On va parler des Gaillards de Jonquière, c'est la chronique football et on a toutes les semaines des joueurs des joueurs, soit des Cougars ou encore des Gaillards de Jonquière. Et cette semaine, ben, on a un autre joueur de Dolbeau, un gars qu'on connaît bien, c'est William Gagnon. Salut William. Bonjour. William, troisième année avec ton équipe, avec les Gaillards. Cette année, tu as un rôle de vétéran. Comment tu t'acclimates à ce rôle-là? Ça va quand même assez bien, là. Je te dirais que j'essaie de faire mes affaires puis de donner des petits trucs aux recrues là, puis aux premières années pour les aider un peu plus là, Ouais. puis ça va bien. Là. Cette année, vous avez vraiment une grosse formation, hein. Écoute, vous gagnez des 50 à 5, 50 à 8, des scores de fou. Est-ce que c'est selon toi la meilleure équipe que tu as des Gaillards depuis que tu t'alignes avec la formation? Pour être honnête, en comparant aux autres années, je trouve qu'on a toujours eu une très bonne équipe. C'est sûr que cette année, on a vraiment un très bon club, mais l'an passé aussi, là, je dirais que ça s'équivaut pas mal avec le club qu'on a cette année puis l'an passé. Là, je pense que c'est pas mal dans le même calibre. Là, mais oui, on a un vraiment très gros club encore cette année, puis on espère que ça va être comme ça encore pour les années à venir. Là. Ben, c'est sûr. Il te reste combien de temps avec les Gaillards? Il te reste 2 ans? Oui, il me reste encore une année. Je suis troisième année présentement. Puis, okay. Je fais une quatrième année l'an prochain. Puis après ça, je vais être rendu trop vieux pour jouer. Tes plans de carrière, c'est quoi? Est-ce que tu vas à l'université? Là, moi, je sais pas encore si je vais aller à l'université. Je vais commencer par finir mon DEC en gestion de commerce. Puis après ça, je vais voir où est-ce que ça m'emmène. Là, puis, je sais pas encore. Là, je suis pas encore rendu là. T'es bien placé vraiment pour prendre vraiment la gestion de commerce. Tes deux parents ont une entreprise. Qu'est-ce qui t'intéresserait le plus, l'entreprise de ta mère ou l'entreprise de ton père? Les deux sont intéressants, là. Je sais pas encore. Là. On va voir rendu là plus okay. tard. Là. C'est sûr que les deux, c'est vraiment des belles opportunités dans les deux cas. OK. Puis c'est ça. OK. D'ici la fin de l'année, c'est quoi l'objectif pour William Gagnon? Et c'est de bien performer, se faire peut-être remarquer, c'est peut-être gagner un autre bol d'or. C'est quoi l'objectif? C'est sûr que l'objectif, c'est tout le temps gagner le dernier match de l'année. Ouais. Mais sinon, à part ça, c'est sûr que bien performer, être fier de ce que je fais après chaque partie, c'est quelque chose que je trouve quand même assez important. Mais c'est sûr que l'objectif final, là, ça va être le dernier match de l'année, puis ça, c'est de même pour pas mal tous les joueurs, je pense que on y a goûté l'an passé. Ben oui. Puis on va y regoûter encore, là, c'est sûr et certain. La semaine passée, votre corps numéro 1 était blessé, ça, vous avez donné du temps de jeu à votre deuxième? Oui, c'est ça. Dans le fond, on avait Frédéric Clemens, notre premier QB, qui était pas là pour des raisons personnelles. Donc, on a donné du temps à notre deuxième carrière, qui est un carrière de première année, Mathéo. Puis, je pense qu'il a bien répondu à l'appel quand même. Là. Il y a eu quand même un très bon match. C'est 2 passes de toucher, si je ne me trompe pas. Donc, ça a quand même très, très bien été pour un premier start, là, selon moi. Là. Ben oui. Comment tu t'acclimates avec les Français? Comment tu t'acclimates? Moi, dans le fond, quand je travaillais avec les Gaillards, il y a trois ans, dans le fond, c'était la première grosse crue de Français. Il y avait déjà eu des Français dans l'équipe, mais c'était jamais plus qu'un ou deux Français. Quand moi, je suis arrivé, il devait en avoir une dizaine environ. Mm-hmm. Fait que moi, depuis que je suis avec les Gaillards, il y a toujours eu beaucoup de Français. Puis moi, ça me dérange pas pantoute. Là. C'est du monde comme les autres. T'apprends à vivre avec, puis c'est du monde qui sont bien gentils pareil. Ben oui. Ils sont super fins. Là. J'ai plusieurs de mes amis qui sont des Français. Là, puis, On n'a jamais eu de problème, tu vois, avec les Français. Ben William, on va te souhaiter la meilleure, une meilleure fin de saison avec ta formation des Gaillards et au plaisir de se parler. Yes, merci beaucoup, Danny. Bonne journée. Oui, William Gagnon de Dolbeau-Missassigny qui s'aligne avec les Gaillards de Jonquière.